Évaluation du premier semestre. Je trie les déchets. Je prends une douche rapide. Pour les grands voyages, je choisis le train. Je me déplace à pied ou à vélo pour les petits trajets. J'utilise l'eau chaude quand j'en ai vraiment besoin. Je ne gaspille pas le papier. Par exemple, j'utilise les deux faces. J'achète des produits qui respectent l'environnement. J'éteins la lumière et les appareils électriques.